Constantinople. Mai 1453. Anna. Le siège dure depuis 5 jours, ou peut-être 6. Les journées semblent se confondre. Anna est assise dos au mur, la tête de Maria reposant sur ses genoux, et une chandelle neuve brûle au sol près des restes de bougies consumées. Un grand bruit retentit dans la rue, un cheval hennit, un homme lance des jurons et l'agitation met un moment à se dissiper. Anna ? Oui, je suis là. Désormais, le monde de Maria est plongé dans un noir complet. Si elle veut parler, sa langue refuse de coopérer, et les muscles de son dos et de sa nuque se contractent toutes les heures ou presque. Entre 2 séances de prière, les 8 brodeuses qui logent toujours chez Kalapates regardent fixement dans le vide comme si elles entraient en transe, les nerfs épuisés. Anna aide crisée dans le potager recroquevillé sous le gel, où écume les quelques marchés encore existants pour se procurer de la farine, des fruits et des haricots. Dès qu'elle le peut, elle tient compagnie à Maria. Avec le temps, elle déchiffre plus vite l'écriture soignée, inclinée vers la gauche qui couvre les feuillets du vieux codex. Et les phrases ont désormais cessé de lui résister. Si elle tombe sur un mot qu'elle ne connaît pas, ou sur un passage effacé par les moisissures, elle invente quelque chose pour les remplacer. Aéton a enfin réussi à devenir oiseau. Non pas la chouette splendide qu'il avait espérée, mais un corbeau dépenaillé. Il survole la mer sans limite, cherchant les confins de la terre, mais se fait emporter par une trombe. Tant qu'Anna poursuit sa lecture, Maria semble apaisée. Le visage serein, comme si, au lieu d'écouter un conte absurde dans une cellule humide au cœur d'une ville assiégée, elle se trouvait déjà dans les jardins de l'au-delà, bercée par les cantiques des anges. Anna se rappelle alors ce que lui disait Licinius. Raconter une histoire est une façon d'étirer le temps. À l'époque où les bardes voyageaient de ville en ville pour réciter à qui voulait les entendre les chants anciens ancrés dans leur mémoire, ils différaient le dénouement du récit aussi longtemps que possible, improvisant un dernier vers, un ultime obstacle sur le chemin du héros. Comme l'expliquait Licinius, capter 1 heure de plus l'attention du public, c'était l'espoir d'obtenir encore une coupe de vin, un morceau de pain, une nuit à l'abri des intempéries. Anna ignore qui était Antoine Diogène, mais elle l'imagine tailler sa plume, la tremper dans l'encre et tracer les mots sur le parchemin, dressant une nouvelle embûche sur la route d'Aéton et étirant le temps pour une autre raison. Maintenir sa nièce un peu plus longtemps dans le monde des vivants. « Il souffre terriblement, » chuchote Maria. « Et pourtant, il continue à avancer. » Kalapates avait peut-être raison dans le fond. Il se peut bien qu'une obscure magie vive entre les pages des vieux livres. Tant qu'il lui restera des phrases à lire à sa sœur, tant qu'Aéton s'obstinera dans son périple insensé, poursuivant à tire-d'aile son rêve dans les nuages, les remparts de la ville résisteront peut-être. Il est possible que la mort demeure un jour de plus à la porte. Par un matin de mai lumineux et odorant, alors que le froid anormal semble avoir enfin desserré sa prise, l'icône la plus vénérée de la ville est transportée hors de l'église que l'on avait bâtie pour l'abriter. On raconte que l'Odigitria, qui représente d'un côté la Vierge à l'enfant et de l'autre la Crucifixion, a été peinte par Luc l'Évangéliste sur une plaque d'ardoise de 150 kilos et acheminée depuis la Terre Sainte sur ordre de l'impératrice d'alors, 1000 ans avant la naissance d'Anna. Si quelque chose est susceptible de sauver la ville, c'est bien elle. Un objet chargé d'une puissance démesurée, icône entre les icônes, qui aurait protégé la cité face aux multiples assiégeants de son histoire. Crisée hisse Maria sur son dos, puis les brodeuses se rendent sur la place afin de se joindre à la procession. Lorsque l'icône franchit les portes de l'église pour entrer dans la lumière du soleil, elle rayonne d'un feu si éblouissant que des arabesques d'or mouvants s'impriment sur la rétine d'Anna. Les 6 prêtres qui soutiennent la peinture la déposent sur les épaules d'un moine colossal, dont l'habit de velours cramoisi est barré d'une lourde étole brodée. Titubant sous la charge, le porteur de l'icône parcourt la ville pieds nus, d'église en église, en se laissant guider par l'Odigitria. 2 diacres attachés à ses pas protègent l'icône sous un dais scintillant d'or, suivi des dignitaires avec leurs crosses et d'un cortège formé de nonnes et de novices, de citoyens, d'esclaves et de soldats. Beaucoup ont allumé des bougies et ensemble ils chantent une mélopée d'une beauté presque surnaturelle. Des enfants gambadent le long de la file, tenant des guirlandes de roses ou des bandes de coton avec lesquelles ils espèrent toucher l'effigie de la Vierge. Anna et Chrysée, qui portent toujours Maria sur son dos, marchent en queue de la procession et voient Lodigitria bifurquer vers la troisième colline. La ville resplendit pendant toute la matinée. Les fleurs sauvages étendent un tapis sur les ruines. La brise éparpille sur les pavés les menus pétales blancs, les châtaigniers fleuris balancent leurs chandelles ivoirines. Mais au moment où le cortège monte vers le nymphée, le ciel s'assombrit brusquement. Le froid saisit l'atmosphère, des nuages plombés semblent surgir de nulle part, les colombes cessent de roucouler et les chiens d'aboyer. Anna lève les yeux. Pas un seul oiseau dans le ciel. Le tonnerre roule au-dessus des toits, une rafale de vent souffle la moitié des flammes, la mélopée faiblit. Dans l'accalmie qui suit, Anna entend un soldat taper sur son tambour dans le camp des Sarrasins. « Ma sœur ?» demande Maria, la joue appuyée contre le dos de Chrysée. « Que se passe-t-il »« Il y a de l'orage. » Des éclairs fourchus frappent les dômes de Sainte-Sophie. Les arbres secouent leurs ramures, une averse de grêle assaille les toits et la procession se disperse. En tête de cortège, une bourrasque arrache de son cadre le précieux dais qui couvrait l'icône et le fait s'envoler entre les bâtiments. Alors que Chrysée court se mettre à l'abri, Anna s'attarde une minute, observant le moine qui s'efforce de transporter Lodigitria jusqu'au sommet de la colline. Le vent le repousse en arrière en chassant des débris à ses pieds. Il résiste cependant, près d'atteindre la crête. Mais alors il titube, puis il glisse et la peinture vieille de 13 siècles tombe dans la rue détrempée, côté crucifixion. Assise à la table, Agatha se balance en se tenant la tête entre les mains. La veuve Théodora marmonne on ne sait quoi face à l'âtre refroidi. Chrysée ne cesse de jurer à cause de son potager dévasté. Lodigitria sacrée a failli à sa mission. La mère de Dieu les a abandonnés. La bête de l'Apocalypse émerge des flots. L'antéchrist gratte à la porte. Le temps est comme un cercle, disait Licinius. Et tous les cercles finissent par se refermer. Quand vient la nuit, Anna va s'asseoir sur sa paillasse, Maria pelotonnée sur son giron et le vieux manuscrit ouvert devant elle. La tempête catapulte Aéton le corbeau au-dessus de la lune et le projette dans le noir entre les étoiles. L'histoire touche à sa fin.